Chapitre 29. Étonnement de Montluc. Suite des amours de Pipo et nouvelles ruines de Cato. Or, en cette soirée, trois scènes bien différentes, mais également étranges, des scènes de rêve et de fantasmagorie connues dites combinées par des gnomes poètes ivres de folie, se déroulèrent sur les points divers de Paris. La première, au Temple. La deuxième, dans le repère de Danville, au fossé Montmartre. La troisième, dans le cabaret des deux morts qui parlent. Vers 9 heures, deux femmes couvertes de grands manteaux furent mystérieusement introduites dans la prison du Temple et conduites à l'appartement du gouverneur. C'étaient Paquette et la Roussotte. Montluc les attendait devant une table chargée de mets et de vins. Et pour avoir liberté complète dans leur gîte, il avait donné congé à ses trois valets et à sa servante, lesquels, heureux de cette aubaine, qui leur arrivait toutes les fois que leur maître se voulait divertir, s'étaient empressés d'aller respirer au dehors un autre air que celui de la prison. « Vous voilà, mes tourterelles !» s'écria Marc de Montluc en éclatant de rire. « Venez ça que je vous embrasse !» Mais Paquette et la Roussotte, au lieu d'obéir, dégrafèrent leurs manteaux et les laissèrent tomber. Montluc ouvrit des yeux énormes et demeura bouche bée. Les deux ribaudes lui apparurent vêtues de satin, le cou enfoncé dans de vastes collerettes, la taille pincée et amincie sur le devant en pointe. Des costumes non de bourgeoises mais de princesses. Elles étaient chargées de bijoux au cou, aux oreilles, aux poignets, aux doigts. Elles étaient fardées comme des grandes dames. Dans son ingénuité, Cato avait cru devoir faire les choses en grand et avait visé à la magnificence. Où s'était-elle procuré ses nippes? Au fond de quelle friperie de la cour des miracles? Peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait transformé les ribaudes en princesses. Seulement, il y avait des détails qui révélaient la parfaite ignorance de Cato en matière de costumes de cour. En outre, si les robes étaient de satin authentique, elles étaient fripées et tachées. Les bijoux étaient en verroterie et en cuivre. Les deux ribaudes étaient fardées, mais elles l'étaient outrageusement, et le vermillon trop vif des lèvres, le noir trop noir des yeux, l'incarnat incandescent des joues, la pâte blanche-gorge, tout cela hurlait et jurait. Leurs pauvres souliers de traîneuses des rues, éculés et rapiécés, achevait cet ensemble qui allait du grotesque au macabre. On eût dit deux poupées mal peintes, deux figures de calots habillées et maquillées par un peintre en délire. Telles qu'elles étaient, elles s'admirèrent naïvement et à peine leurs manteaux furent-ils tombés qu'elles se regardèrent un instant toutes saisies. Puis, s'avançant vers Montluc et Bailly, elles exécutèrent les trois révérences que Cato leur avait apprises. Montluc, déjà ivre, car il en était à sa quatrième bouteille en les attendant, Montluc se leva, effaré, subjugué, se demandant s'il était en proie à un cauchemar et si, au lieu des deux ribaudes qu'il attendait, il ne recevait pas la visite de deux reines. Les détails que nous venons de signaler disparaissaient à ses yeux. Rouge jusqu'aux oreilles, il répondit à la triple révérence par un salut si profond qu'il faillit en perdre l'équilibre. Les ribaudes, se voyant prises au sérieux, demeurèrent soudain pétrifiées. « Hein ?» fit Montluc. Alors, elles crurent devoir recommencer les révérences avec quelle gaucherie innocente. « Or ça !» gronda Montluc en se remettant. « Que signifie ?»« Eh bien, mais !» dit la Roussotte. « Nous nous sommes habillés pour la fête de demain matin. »« La fête ?» bégaya Montluc en passant ses mains sur son front pour chasser le cauchemar. « Eh oui !» dit gentiment Paquette. « Les deux truands qu'on va questionner, tenailler et mettre chevalet !» Montluc avala une formidable rasade et, remis d'aplomb, son rire fit trembler les vitraux. « La fête ? Ah oui, j'y suis ! Et comme ça, vous vous êtes déguisés en princesse pour voir la question ? Corne du diable ! « Tripes et ventres, en voilà une idée. J'étouffe de rire. Ah, les dignes gueuses! Et moi qui ne les reconnaissais pas. Je pouffe, j'étouffe, j'étrangle. Des princesses! Holà, les gardes de leur majesté! Tudieu, je veux que vous soyez des reines ce soir. Tais-toi, la roussotte, assieds-toi là, à ma gauche, et toi, Paquette, à ma droite. Par les boyaux du dernier parpaillot que j'ai oxy. Il faut que j'écrive la chose à M. Blaise, mon père, pour qu'il la raconte en son mémoire et qu'il écrit. Des reines? Ouida, je le veux ainsi, et je serai roi. Voyons, toi, la roussotte, tu seras Madame Margot en personne. Et toi, Paquette, que seras-tu? Tu seras Élisabeth d'Espagne. Silence, que tout se taise dans Paris en cette nuit mémorable. Quelle nuit! Messire Marc de Montluc couche avec la reine de Navarre et la reine d'Espagne. Toi, la reine de Navarre, emplis-moi mon verre. Et toi, la reine d'Espagne, viens t'asseoir sur mes genoux. Il n'entre pas dans notre dessein d'offusquer le lecteur par le récit de l'orgie qui suivit. Nous voulions simplement indiquer l'entrée des deux ribaudes au temple. À minuit, Montluc était au dernier degré de l'ivresse. Et pourtant, il luttait encore. À 2 heures, il roulait sur le plancher, serrant contre lui dans une étreinte furieuse les deux reines dont les robes étaient en lambeaux, dont les coiffures s'étaient déroulées, dont les fards s'étaient liquéfiés et se mêlaient en un coloris sans nom sur leurs visages. Bientôt, on n'entendit plus que les ronflements énormes du soudard. Alors Paquette et Roussotte se relevèrent et prêtèrent l'oreille. Sous leurs fards, elles étaient livides et des frissons les secouaient. Transportons-nous maintenant à la maison des Fossés Montmartre. Il est 11 heures du soir. Le maréchal de Danville vient de rentrer. Il est sombre, ordre du chef de la conjuration de ne rien tenter contre le Louvre. Tous les grands projets remis à plus tard. Mais, en même temps, une joie funeste jaillit de ses yeux en flamme de cruauté. On lui livre son frère. Il est chargé d'attaquer l'hôtel de Montmorency. C'est lui qui doit mettre à mort celui qu'on appelle le chef des politiques. Et dans cet hôtel de Montmorency, c'est Jeanne de Pienne qu'il va enfin reconquérir. Son frère mort, Jeanne est à lui. Et qui, maintenant, peut la sauver de ses griffes? Le maréchal traverse les vastes salles de sa maison. Elles sont remplies de soldats. Les uns aiguisent leurs dagues sur des pierres, d'autres visitent leurs pistolets, d'autres chargent leurs arquebuses. Tout cela se fait silencieusement. Sur des tables sont posées d'énormes cruches de vin. Tantôt l'un, tantôt l'autre, se verse un grand gobelet. L'ivresse monte. Une ivresse lourde travaille ses épaisses cervelles. Des rires sourds éclatent parfois. Mais aussitôt, un sergent commande le silence. Danville a fait signe à une douzaine de gentilshommes qui l'attendent. Et il va s'enfermer avec eux pour donner à chacun des ordres et lui indiquer sa besogne. Mais avant de disparaître, il demande où est son favori, le vicomte d'Apremont. Et on lui répond qu'Orthez est avec ses chiens. Danville va le voir et le trouve dans une cour qu'éclaire 2 torches. « Eh bien, lui demande-t-il, tu n'apprêtes donc pas tes armes, toi ?» Sans répondre, Orthez d'Apremont lui montre ses 2 molosses. Danville sourit. Dans cette cour étroite, que les lueurs des 2 torches teintées de rouge, le vicomte d'Apremont se livrait à un singulier travail. Il allait et venait lentement, les mains au dos. Ses mains tenaient un fouet à chien. Sur ses talons marchaient gravement 2 chiens, la gueule entr'ouverte, les yeux sanglants, les épaisses babines pendantes. Pluton et Proserpine. Et derrière Proserpine, un chien berger à poils roux et bourriffés faisait des grâces, bondissait, se roulait. Pipo. Pipo était le commensal de Proserpine. Orthez avait voulu le renvoyer, mais Proserpine lui avait montré les dents. Quant à Pluton, il avait admis le partage, soit par indifférence philosophique, soit en reconnaissance de la carcasse de poulet. Pipo, féru d'amour pour la belle Proserpine, mangeait d'ailleurs fort peu. Il en oubliait le boire et le manger, il ne songeait qu'à compter d'indécentes fleurettes à son amante. Pluton et Proserpine, donc, suivaient pas à pas leur maître. Celui-ci arrivait au bout de la cour. Là, un homme debout attendait, tout raide, sans un geste, sans un mouvement. Alors Orthès se retournait brusquement vers les deux molosses et faisait claquer son fouet. À ce signal, les deux monstrueuses bêtes sautaient sur l'homme immobile et, d'un seul coup, avec un grondement terrible, lui enfonçaient leurs crocs dans la gorge. Pipo, la patte dressée, examinait cette scène avec étonnement. Alors le vicomte d'Apremont relevait l'homme, le remettait debout, arrangeait ses vêtements et son masque. L'homme était un mannequin. Puis le vicomte recommençait sa promenade, son fouet au dos, les deux chiens sur ses talons, Pipo courtisant Proserpine. Et tout à coup, il donnait encore le signal. La hideuse leçon était répétée. Alors Orthès d'Apremont se tourna vers le maréchal, qui examinait cette scène effrayante, et, avec un calme plus effrayant, il dit « Monseigneur, voilà mes armes !» Au cabaret des deux morts qui parlent, vers minuit. Depuis longtemps, Cato avait renvoyé ses ordinaires clients nocturnes. Et même, par une exception unique dans le mémorial de son auberge, elle avait condamné sa porte au moment où le couvre-feu avait sonné. Mais, à partir de 11 heures, cette porte s'entrebâilla. Bientôt, une femme parut, une pauvresse misérablement vêtue. Puis deux vieilles entrèrent, espèces de sorcières à capuche noire. Puis une borgnesse, un emplâtre sur l'œil, qui, en entrant, défit son emplâtre. Puis une hideuse manchotte à tête de furie, qui, s'étant assise, délia quelques cordes et retrouva son bras. Puis 5 ou 6 béquillardes qui se traînaient péniblement et qui jetèrent leurs béquilles dès qu'elles furent dans le cabaret. Vers minuit, l'auberge était bondée, toutes ses salles occupées, toutes ses tables prises. Et là grouillait un monde fantastique, une foule défiant pinceaux, crayons et plumes, un étrange fouillis d'êtres bizarres, sordides, loqueteux, visages fanés, visages terribles, rien que des femmes, toute la cour des miracles femelles, truandes, diseuses de bonne aventure, danseuses de cordes, mendiantes, les unes jolies sous les haillons, les autres hideuses, toutes vêtues de pièces et morceaux. À toutes, Cato, aidé de 2 ou 3 femmes, servait à manger, versait à boire. Ce qu'il y avait de meilleur dans sa cave y passait. Elle causait vivement à quelques-unes, glissant à celle-ci un ducat, à celle-là un écu d'or. Puis, tout à coup, après que Cato eut dit quelques mots, cette vision s'évanouit. Les béquillardes reprirent leurs béquilles, les bossus leurs bosses, les borgnes leurs emplâtres, et en quelques minutes, l'auberge se vida. Tout ce monde inouï, exorbitant, s'était enfoncé dans l'ombre sereine de la nuit d'été. Cato alors alla à une armoire et en tira 3 sacs d'écus d'argent et d'or. « La faim !» murmura-t-elle avec une grimace. Et elle attendit, prêtant l'oreille. Vers 1 heure, le cabaret qui s'était vidé commença à se remplir de nouveau. Cette fois encore, il ne vint que des femmes. Et leur misère, à celle-ci, était plus décente et satisfaite d'oripeaux. Il y en avait de très jolies, il y en avait des laides. La plupart étaient jeunes. Presque toutes portaient la robe lâche et la ceinture. Beaucoup de ces ceintures étaient brodées d'or. Et c'étaient les ribaudes, toutes celles qui faisaient métier de leur corps et que Cato, l'une après l'autre, avait depuis 3 jours décidé. Elles riaient, chantaient, les unes d'une voix douce et dolente, les autres d'une voix enrouée. Toutes buvaient, buvaient, et leurs regards brillaient et elles s'exaltaient. Cato recommença la distribution des écus. Ses 3 sacs se vidèrent. Alors les ribaudes, par petits groupes, s'en allèrent dans la nuit silencieuse et l'auberge demeura vide. Cato prit une lanterne et descendit à sa cave. Elle vit qu'il ne lui restait plus une bouteille de vin, plus un flacon de liqueur. Elle remonta dans le cabaret, pénétra dans l'office et vit qu'il ne lui restait plus un jambon, plus un morceau de pain, plus une volaille, plus un pâté. Elle monta à sa chambre, ouvrit ses armoires et vit que, depuis 2 jours, elle avait vendu ce qu'elle possédait pour en faire de l'argent. Elle ouvrit l'armoire où elle avait placé son argent et vit qu'il ne lui restait plus un sou. « Bah !» dit-elle simplement. Alors elle prit une forte dague qu'elle plaça à sa ceinture, sortit, ferma la porte du cabaret dévasté, plaça les clés sous la porte et s'éloigna à son tour. Et comme elle marchait sans hâte vers un but mystérieux, elle remarqua qu'un étrange silence pesait sur Paris par cette claire et sereine nuit d'été.